est une mascarade. Les yeux de cette fille sont inestimables. Pour tout le reste, il y a Mastercard. Regarde, je me fonds dans la masse. Regarde un peu, regarde. Regarde comment toutes ces tasses parlent. Quand je dis tasse, je fais pas qu'allusion aux meufs. Les mecs ont dû jouer trop au poker, leur vie c'est que du bluff. Et chacun son masque, qu'il soit intérieur ou extérieur. Moi je veux me débarrasser des deux, là c'est sérieux. Le soleil brille mais dans mon corps un orage persiste. Avec le temps qui passe on devient pessimiste. Même moi, celui qui dit toujours qu'on peut le faire. Ce qui m'importe désormais c'est être vrai. J'ai